parce que c'est notre projet. La réforme de l'ISF, comme la réforme du prélèvement forfaitaire unique sur le capital, ça n'est pas la question de savoir de manière statique si les gens sont riches ou pauvres. C'est la question de savoir si dans notre pays, on veut sanctionner la réussite pendant le cycle de vie. On revient à la méritocratie, parce qu'on revient à une politique où on va permettre à tous les jeunes de la République, quel que soit leur milieu social, de réussir. C'est un investissement de justice sociale, beaucoup plus efficace que tout centime qu'on peut donner à qui que ce soit. Est-ce que vous n'êtes pas, monsieur le président des riches ? Je n'aime pas cette opposition de la société. Quand je vous regarde, je ne regarde pas des riches. Statistiquement, vous l'êtes au regard des statistiques françaises. Bon, comme vous ? Oui. Et alors ? Vous voyez bien que tout de suite, ça crée quelque chose qui est dans le vocabulaire. Ce sont ce que j'appelle les passions tristes de la France. Moi, je ne crois pas à la jalousie française qui consiste à dire « il y a des gens qui réussissent, taxons-les, nous nous porterons mieux ». Je pense que si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre. J'essaierais de me battre d'abord. Moi, je plains pas les entrepreneurs qui embauchent. C'est leur vie, mais c'est très dur. Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Faut jamais l'oublier, parce qu'il peut tout perdre, lui. J'ai dit qu'il était sain dans un pays qu'en effet des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaire. La volonté de réussir à tout prix et de réussir formidablement, c'est une des forces de la jeunesse. Nous ne redresserons pas l'économie de notre pays si nous considérons que réussir, c'est une mauvaise chose. Et donc ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non, parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. On a détruit tout un tissu patrimonial, familial, de gens qui cultivent des valeurs humaines très profondes et qui, par des questions d'idéologie sur la fiscalité, eh bien, ont été obligés de vendre, se sont vendus. L'instrument de travail n'est pas dans l'assiette de l'ISF, mais, Pierre Gattaz. Oui, mais si vous voulez, quand vous êtes des familles et quand vous êtes des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, et que c'est très compliqué l'ISF. Alors, les lois Dutreil ont permis d'améliorer tout ça, mais il faut savoir, si vous voulez, que c'est un poison qui a empoisonné l'économie française depuis 30 ans. Moi, je suis ravi que quelqu'un puisse dire on en a marre. L'impôt de solidarité sur la fortune, ISF, est un impôt payé par des foyers possédant un patrimoine supérieur à 1 300 000 euros. Ce patrimoine englobe tout ce que l'on possède. Biens immobiliers, produits financiers, actions et obligations, meubles, bijoux, voitures, etc. Certains biens peuvent être exonérés du patrimoine imposable. Par exemple, les locaux professionnels ou les parts d'entreprise sont totalement exonérés si l'on détient au moins 25% de la société et si cette dernière génère plus de 50% de son revenu. D'autres biens sont exonérés partiellement, comme les résidences principales à hauteur de 30% ou les forêts à hauteur de 75%. Le taux d'imposition de l'ISF est progressif. La première tranche prend en compte le patrimoine à partir de 800 000 euros et jusqu'à 1 300 000 et est imposée à 0,5%. Puis 0,7% entre 1 300 000 et 2 570 000, puis 1% entre 2 570 000 et 5 millions, puis 1,25% jusqu'à 10 millions, et enfin 1,50% sur tous les montants supérieurs. We'll be right back. cherche du fric. Tout le monde demande du fric. La police demande du fric, l'école demande du fric, la santé demande du fric, tout le monde demande du fric. Et puis personne veut travailler. Ben alors, on va trouver où, hein? Et puis un jour, il n'y en aura plus d'ailleurs, alors comme ça, il y aura quoi? Je suis une dame d'un âge, 55, bientôt 6, et je suis juste une dame qui a un peu d'argent de son père. Je suis une bourgeoise, hein. C'est la bourgeoisie. Disons que je suis un peu intellectuelle, de ce côté-là, je suis différente des autres. Mais la bourgeoisie, assez ringarde, parce qu'on est quand même des bourgeois depuis longtemps, donc on résiste. On n'a pas encore, on nous a pas encore tout retiré. Mais c'est certain que c'est difficile de garder son argent et que c'est difficile de le mettre à l'abri. Des taxes et des impôts de toutes sortes qu'on vous applique. L'impôt sur la fortune, je trouve que c'est pas très bien parce que les gens s'en vont de France, hein, ils partent à l'étranger. Et puis en plus, on compte l'appartement, la résidence principale sur la fortune. Ou alors qu'on prenne un impôt sur la fortune sans l'appartement principal, quoi. Déjà ça. Je trouve que c'est un petit peu bizarre cet impôt parce qu'il a été. En fait, cet appartement, c'est quoi? On l'a acheté parce qu'on a économisé. Pour acheter quelque chose, pour finir notre vie dans un endroit à nous, sans angoisse, si je peux dire. Donc voilà, c'est un petit peu dommage d'être ponctionné là-dessus. Si les gens qui se sont expatriés pour ne pas avoir d'ISF à payer reviennent en France, ils auront sans doute des possibilités d'offrir certains emplois, même peut-être des emplois mineurs, mais en tous les cas des emplois. Les impôts ne doivent pas être trop compliqués, voilà, surtout, parce qu'on s'y perd un peu. Et puis, il y a les futés qui arrivent toujours à louvoyer et à, et à éviter. Oh, moi, je suis ploum-ploum, je paye tout cash. Donc, Je pense que les gens riches payent beaucoup trop d'impôts, c'est aberrant. Je pense aussi que donner 50% de notre salaire, ça me paraît absolument énorme. Je pense que en France, on paye beaucoup trop d'impôts, effectivement. Les gens riches, les gens qui, si vous voulez, qui ont par leur travail un certain statut social, en fait, sont décriés parce que c'est mal considéré, et je trouve ça un peu dommage. Voilà. Je crois qu'on a tendance d'abord à cataloguer comme riches beaucoup trop de personnes qui sont en fait de classe moyenne. Les gens riches, il y en a très peu. Et ceux-là, peut-être, effectivement, vraisemblablement, devraient payer plus. Surtout quand ils ont d'énormes revenus, comme certains, qui sont choquants, hein, très honnêtement. Je crois que les gens riches, il n'y en a pas autant qu'on le dit. Et il ne faudrait pas matraquer la classe moyenne et la décourager. Figaro, pourquoi faut-il tergiverser sur l'ISF ? Yves de Kerdrel. Oui, c'est la chronique du Yves de Kerdrel. Il est souvent dit que la France a la droite la plus bête du monde. Je ne pense pas que ce soit le cas. Le défaut de la droite française, c'est plutôt de se vouloir au contraire intelligente, subtile, voire cérébrale, au point qu'elle finit par en oublier ceux qui l'ont élue et ce pourquoi elle a été élue. Il a raison, cet homme-là. Le débat qui se déroule actuellement autour de la fiscalité du patrimoine est un très bon exemple de cette droite qui se veut réfléchie et qui, à force de discussions byzantines, ne se rappelle pas qu'elle a été portée au pouvoir pour restaurer la valeur du travail et retirer de notre économie toutes les scories idéologiques laissées par quelques gouvernements socialistes. Si la majorité veut procéder très vite à une réforme juste, efficace et dénuée de toute idéologie, il lui faut décréter la suppression pure et simple de l'ISF et du bouclier fiscal. Comment voulez-vous qu'il s'en passe ? Avec tous les gens qu'il faut entretenir à ne pas travailler. Et il ne peut pas y arriver. C'est pas possible. Supprimer l'ISF, c'est faire en sorte que les 800 industriels français qui quittent le pays chaque année et qui ont emporté avec eux hors du territoire pas moins de 200 milliards d'euros recommencent à espérer dans leur pays d'origine et donc décident d'y investir de nouveau. Ça, j'en doute. supprimer l'ISF, c'est donc arrêter ce que dit Monsieur Cardral, arrêter cette hémorragie dramatique de fortune et de cerveau qui entraîne chaque année un manque à gagner de 7 à 8 milliards d'euros pour l'État. Car ce que les socialistes ont oublié dans leur schéma idéologique, c'est qu'un riche a peut-être des défauts, mais il a une qualité, c'est de consommer. Ça dépend des riches. Ceux qui... Il y a des riches qui ne consomment pas. Vous, par exemple, hein, vous consommez peu. Moi, je ne suis pas consommatrice. Une mauvaise consommatrice. Supprimer l'ISF, ce n'est pas une question d'arithmétique budgétaire, mais un signe de confiance adressé à ceux qui entreprennent, qui osent, qui prennent des risques, qui détiennent des bouts de patrimoine en face. Vous voyez, des bouts de patrimoine en France. C'est ça, la France. C'est des tas de petits propriétaires qui détiennent quelques petites choses, mais qui ne sont pas pour son temps richissimes. Il n'y a pas de richissimes en France. Supprimer l'ISF, enfin, c'est faire le constat d'échec public d'une idéologie répandue en France depuis 30 ans, selon laquelle tondre les riches permet d'améliorer le sort des pauvres. C'est une idée de fou. Et s'il n'y a plus de riches, il y aura plus de pauvres. Parce que les riches ils peuvent plus entretenir les pauvres. Donc il faut bien les riches pour que les pauvres ne soient moins pauvres. Vous travaillez, votre argent, il va chez les autres. C'est humainement difficile à supporter. Donc vous partez. Vous voulez faire quoi sans l'impôt sur l'ISF pour entretenir la masse de gens qui ne travaillent pas? Je pense simplement qu'il faut surveiller le travail. Il faut surveiller les gens qui ne travaillent pas. Il y a eu des abus énormes avec les allocations. On cumule les allocations, on se marie deux fois, on recumule les allocations. Le père de famille, il travaille plus. Il faut que les gens payent l'ISF parce que ça leur fait plaisir à ceux qui ne payent pas l'ISF que d'autres payent l'ISF. Donc si vous supprimez l'ISF, les gens ne comprendront pas. Et de toutes les manières, ils seront furieux. Parce que ça, dans leur tête, ça fait que le riche est plus riche. Ce qu'il faut en France, c'est que tout le monde soit pauvre. Il ne faut pas que le riche soit plus riche. Il faut que le riche soit plus pauvre, qu'il devienne pauvre et qu'il n'y ait plus que des pauvres. Et je vais vous dire, c'est ce que je pense. What happens in my life turned upside down? Chicks that blew your mind, ding, it's the second round. Original track and ding, you know you can't buy these things, no. See Stefani and the Lamb, I rock the fetish, people, you know who I am. Yes, man, we got the style that's wicked. I hope you can all keep up. We climbed all the way from the bottom to the top. Now we ain't getting nothing but love. Florence ne se sent pas riche. Elle préfère le terme « privilégié ». La famille Cathiard figure pourtant dans le palmarès des 300 plus grandes fortunes françaises. Et quand on évoque avec elle les problèmes de la société d'aujourd'hui, elle pense avant tout à l'écologie et à la planète. Les inégalités sociales, par exemple, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou pas? Si je réponds honnêtement, oui, mais peut-être pas dans le sens où tout le monde l'entend. C'est pas à moi d'en parler. Je trouve que ce qui est très difficile, c'est quand effectivement il n'y a pas d'ascenseur social. Mais c'est vrai aussi qu'on peut aussi avoir plus d'espoir, plus de pensées positives et plus de vista intérieure qui vous pousse à vivre à votre maximum. En vraie libérale, Florence préférera toujours la liberté d'entreprendre à l'égalité. Elle considère que les Français ont un problème avec les riches, contrairement aux Américains. Aux États-Unis, les gens se disent, dans quelques semaines, 6 mois, 1 an, c'est moi qui serai riche et qui gagnerai des millions ou des milliards de dollars. Exactement. Ça, c'est très important. Donc, tout le monde se bat pour ça. Pour moi, c'est très important ce qu'il dit parce que c'est vraiment l'histoire de l'Américain qui voit passer une belle voiture. Si par exemple il a une voiture, ce qui n'est pas mon cas, mais ça peut arriver, et qui dit un jour je conduirai cette voiture. Et le Français voit passer la belle voiture et il dit ah ces salauds de riches.